Bonjour, merci de vous réveiller avec France Culture si vous vous réveillez. Nous sommes le vendredi 20 novembre 2015, une semaine après les carnages à Paris. Et pour rendre hommage justement aux victimes et pour marquer notre solidarité avec la salle de spectacle visée, touchée, le Bataclan, depuis lundi, nous vous faisons revivre quelques moments très forts qu'a enregistré cette salle de spectacle. Et aujourd'hui, on va parler du Bataclan en compagnie de Hélène Azéra, que je n'ai pas à présenter puisque elle travaille avec nous. C'est la productrice de Chanson Boom. Mais avant Chanson Boom, pendant 25 ans, elle était critique de la chanson française pour le quotidien Libération. Elle connaît très bien cette salle. Elle viendra nous parler. Et en deuxième partie, c'est un écrivain et un autre critique, un rock critique, Mishka Assayas, qui lui aussi a quelques bons souvenirs à nous raconter, des souvenirs bien sûr passés dans cette salle mythique, le Bataclan. Et on commence avec Brigitte Fontaine qui chante Leïla. C'était le 14 avril 1993. C'est dans le lac, les étoiles filent un mauvais coton, comme une toile d'araignée au plafond. C'est la guerre des dieux et des démons, d'air des d'air, des photons, des neutrons. Si tu craques, c'est dans le lac, ma chérie, mon amie. On est là, dans nos peaux élastiques, comme des chats, dans des sacs en plastique, solitaires, avec notre amitié. Sur la terre, il n'est pas de pitié, ma chérie, mon amie. Tiens-toi bien à ce lien de passion qui te donnait la vie, petit lion pris dans les galaxies, en folie, comme dans un piège à con, et aussi ton propre tourbillon. Tiens-toi bien à ce lien intérieur, extérieur, c'est kiff-kiff. Dans ce monde imprenable, objectif, inconnu, incroyable, s'avance ce trip métaphysique. C'est trop fou, ce roman fantastique, intérieur, extérieur. Petite sœur, tu as peur comme moi, dans ce vol de nuit dingue, qui n'est pas sorti d'une seringue. Tu t'étonnes de ce sombre mystère, tu mâchonnes les raisins de la colère. Petite sœur, tu as peur. La la la, la la, la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si tu craques, c'est dans le lac, les étoiles filent un mauvais coton, comme une toile d'araignée au plafond. C'est la guerre des dieux et des démons, d'air des d'air, des photons, des neutrons. Si tu craques, c'est dans le lac. C'était le 14 avril 1993. Peut-être, Hélène Azéra, bonjour, merci d'être venue ce matin. Mais c'était un plaisir, Taoufik. Peut-être que vous étiez dans cette salle, on ne se connaissait pas à l'époque, quand Brigitte Fontaine entamait justement cette belle chanson, Leïla. Oui, absolument. J'étais là. La chose dont je me rappelle, il y avait Richard Desjardins, le grand Québécois, qui connaissait à peine Brigitte. Et surtout, la chose, c'est sa technique, c'est il achetait pas une bière, il achetait deux bières. Il avait deux bières dans les mains. Vous connaissez bien sûr bien ce lieu. Ben oui. Un lieu visé, touché, attaqué, aujourd'hui endeuillé. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire du Bataclan et la Nazaire? Ben, au départ, il faut dire que c'était au milieu des champs de navets et des fermes. C'est vraiment, c'était à la périphérie de la périphérie. Oula, on est en quelle époque? On est en 1800. On est en 1883. Et c'était déjà une salle de spectacle, vous voulez dire? C'était, voilà, ils ont bâti cette salle de spectacle et en hommage à la mission civilisatrice de la France en Asie. Il y avait déjà eu la guerre du Tonkin. Elle est en forme de pagode. Et pourquoi ça s'appelle le Bataclan? Le Bataclan, c'est le nom d'une opérette d'Offenbach. Et c'est tout le Bataclan. Et, c'est une expression d'argot. Voilà la chose. Alors, il y a des moments, il y avait une salle de spectacle, une salle de bal. C'est une salle qui a connu toutes sortes de vicissitudes. Moi, mon moment préféré, c'est Madame Razimi, qui fait des revues un peu déshabillées, suggestives, mais c'est de tellement bon goût qu'elle peut en montrer plus que les autres. C'est les années folles ou c'est l'après-guerre? Vers 1930, 1920, 1930. Je peux regarder, il y a un livre formidable qui s'appelle « Musicaux, les cafés-concerts ». Et on trouve vraiment, il y a toute une chose sur le Bataclan. Madame Razimi, elle est arrivée en 1910. C'est pour donner une idée. Et elle est la première à avoir rasé les aisselles des danseuses qui étaient sur scène, ce qui fait qu'on l'avait surnommée Madame Razbimi. Alors nous, on connaît bien cette salle parce que aussi on vit à Paris, mais s'il fallait la décrire pour ceux qui nous écoutent... Elle est ronde. Elle est ronde. C'est d'abord une salle ronde avec toutes les difficultés de son que ça amène. C'est une salle, parce que quand le rock est arrivé, c'est concert avec des fauteuils où on retire les fauteuils. Et donc c'est une salle qui passait de avec fauteuil à sans fauteuil, ce qui change évidemment le public, le son. Moi, j'ai vu le Velvet Underground. Oui, ouais. J'étais. On a passé justement quelques extraits de ce concert légendaire. Hier. Alors, c'était l'époque où on se massait devant la porte. Les bourgeois qui avaient acheté leur ticket rentraient, et ensuite on faisait le forcing à la porte pour rentrer sans payer. Mais ensuite, il y a eu les chiens loups et tout ça. D'autres souvenirs de cette salle de concert? J'ai plein de souvenirs. Bah, Brigitte Fontaine, je dois dire, parce qu'elle a fait, un des plus beaux concerts de sa carrière. Elle jouait son Vatou, hein. Ouais. C'était qui tout double. Et puis, rencontré Brigitte Fontaine avec Georges Moustaki au Bataclan, pas pour chanter, mais pour aller voir une grande chanteuse que vous admirez, bien sûr, Hélène Azéra, c'est Renette Loranaise. Oui, Renette est passée. Le souvenir, j'ai des souvenirs d'Anne Sylvestre. Alors, son petit-fils était dans la salle. Et fait partie des victimes. Fait partie des victimes qui jouaient Calamity Jane dans une opérette que lui avait écrit un critique bien-aimé de l'humanité. J'ai beaucoup de souvenirs. J'avoue, tout est un petit peu brouillé. J'ai vu Félag. Ouais. Au Bataclan. Aussi, ce que j'appelle les concerts communautaires. Mmh. Où on arrive et il y a toute une communauté dans la salle. Mais en tant que critique, j'aime beaucoup ça. Ça met une espèce d'ambiance très chaleureuse. Avec le public. Du coup, je me souviens qu'il y avait Fadela et Sahraoui dans la belle époque du rail. Mais pour parler un peu du quartier aussi, Hélène Azéra. Ben, c'est mon quartier, moi je l'aime beaucoup. C'est vraiment, ils ont visé un des quartiers de Paris où il y a le plus de musulmans. Ils ont visé un quartier où tout se passe bien, où vous avez un centre d'études de la Kabbale hébraïque, et à 50 mètres une mosquée, et à 100 mètres une église. Vous avez la meilleure pâtisserie arabe algérienne de Paris, la bague de Kenza. Je pense que c'est pas par hasard qu'ils ont visé un endroit où justement ça se passe bien et il n'y a pas d'histoire entre les gens. Les gens sont très gentils entre eux dans les rues en ce moment. Il y a une espèce de chose, on essaye d'en rajouter. Le côté bien en ce moment, on va vers une planète où tout s'échange, où les gens ils vont vivre 6 mois à Beyrouth, 1 an à Tokyo. Bon, je sais pas, j'ai un ami, Medjin Benchir, il vit à Tokyo, où il est l'amant d'un japonais. Enfin, on va de plus en plus vers quand même une culture où beaucoup de choses s'échangent. Et là, tout d'un coup, on a des gens qui veulent. Moi, ça me fait penser aux gardes rouges de la révolution culturelle qui cassait les mains des pianistes pendant que l'intelligentsia française applaudissait. Je peux pas m'empêcher de dire des méchancetés. C'est dire que les gardes rouges, ce qu'ils voulaient détruire, c'était la culture chinoise. Et là, je crois, la première chose qui est visée, c'est la culture arabe. Aller dire aux Arabes ne jouez pas d'instruments de musique, c'est une des cultures les plus riches en musique. C'est, on va dire à Umm Kulthum, licencie ton orchestre, il faut pas jouer d'instruments de musique, c'est n'importe quoi, c'est voilà. Mais j'espère que ils vont pouvoir refaire des spectacles. Il y a même et eu, on ira ensemble, voilà, on ira ensemble. Il y a Buffalo Bill à monter des spectacles dans le Bataclan. Moi, je pense à Olivier Poubelle, qui avait repris la salle et qui est un garçon qui représente très bien la relève de la chanson française, Jeanne Chéral. Tous les jeunes artistes étaient passés par le Bataclan parce que c'est justement une salle qui est pas vraiment une salle officielle. C'est une salle de démarrage. Et où les grandes pointures aimaient se produire comme... Oui. Comme là, Alain Bachung, je ne sais pas si vous avez assisté à ce concert. Non. C'était en 2003, Hélène. Et une belle version de Madame Rêve. Merci d'être venue. Mais c'est un plaisir, mais je préférais que ce soit dans des circonstances moins tristes. Exactement. Dans un instant, donc après Alain Bachung, pardon, on est tous émus ce matin, Mishka Assayas sera avec moi. Madame Rêve, l'atomiseur. Et deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Ô ciel, Madame Rêve. Madame Rêve. On est loin des amours de loin. On est loin des amours de loin. On est loin. Loin. Madame Rêve, ad libitum. Comme si c'était tout comme dans les prières qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerre, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh ciel, Madame Ref, Madame Ref, Madame Ref. Amours de loin, on est loin des amours de loin, on est loin, loin. Madame Rêve, ô ciel. Madame Rêve. Madame Rêve. Ô ciel. Madame Rêve. Madame Rêve. Madame Rêve. Au ciel. Au ciel. Madame Rêve. Merci d'être venu ce matin, Mischka Assayas. Vous n'étiez peut-être pas au concert d'Alain Bachung. Non, malheureusement. Très belle version. Hein. Mischka Assayas, écrivain et rock critique, pour vous, le Bataclan, ça représente quoi? Vous vous souvenez de votre premier Bataclan? Non mais très bien, très très bien. J'avais 13 ans et j'étais allé avec un copain du collège voir Roxy Music, qui était un groupe qui venait tout juste d'apparaître. Avec mon frère, on lisait la presse anglaise, les hebdos, Melody Maker, New Musical Express. Et c'était un groupe qui nous fascinait parce que il y avait un côté décadent, provoquant, un peu, ils étaient un peu travestis à l'époque. Et en même temps, il y avait quelque chose d'intello, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de caution artistique parce qu'ils étaient, ils sortaient de l'art school. Brian Ferry faisait des déclarations théoriques, il parlait de Marcel Duchamp, etc. Donc il y avait quelque chose qui était à la fois glamour, comme on disait à l'époque, glam, et un peu provocant, outrancier, et puis voilà, sérieux. Voilà, ouais, c'est... Tout ce que détestent les intégristes, comment ne pas penser à ça? Ça. Oui, ça en effet, oui. Oui, ça, à l'époque, on pensait pas à des choses pareilles. Enfin, on pensait qu'à s'amuser, si j'ose dire. Il y avait une ambiance étrange tout de même de, moi j'étais très jeune, mais j'aurais pas su le dire. Mais on avait l'impression qu'il y avait un monde qui changeait. Ça, c'est qu'il y avait, on parlait beaucoup de décadence. Ça me frappait. Le mot de décadence était revendiqué par beaucoup de musiciens de rock. David Bowie en particulier à l'époque. Mmh. Il y avait le film Cabaret de Bob Fosse qui évoquait le Berlin d'avant-guerre, la République de Weimar, et cette impression qu'on arrivait à la fin d'une civilisation épuisée et qu'on célébrait une forme d'effondrement. Moi, j'avais 13 ans, 14 ans, j'y voyais une forme d'excitation. C'était quelque chose d'esthétique et de fascinant. J'étais loin de penser que ça pourrait prendre d'autres résonances, évidemment. Frame, just waiting for the perfect view. special will send me to my life. Remember the fine edition of youth, a pin of dirty shades of blue. Sometimes you find you yearning for the flying life, the country you're born of its joys. Advantage couldn't compensate it twice the price for just another night with the boys. Oh yeah, and boys will be boys. They say that's a gamble. Est-ce que depuis, vous allez souvent au Bataclan, Mishka Sayas? Écoutez, moi j'ai jamais choisi d'aller dans certaines salles par principe parce que je les aime. Enfin, comme la plupart des gens qui écoutent du rock, j'y allais quand il y avait un groupe qui me plaisait. Oui. Après, très honnêtement, c'est une salle que je considère comme l'Élysée Montmartre. Mais je me rappelle qu'à l'époque, je crois que c'était un ancien bordel. Et il y avait des peintures encore quand j'y étais allé. Il y avait des sièges. Et justement, ça allait bien avec cette ambiance de décadence, un peu interlope. C'était un mot qui était souvent utilisé à l'époque dans les articles qui rendaient compte des films underground, un monde interlope, hein, les travestis, les transsexuels, tout ça. Il y avait ce côté un peu sulfureux qui était lié à tout ça. Et je me rappelle que c'était effectivement un bordel ou cinéma porno, je sais plus. Il y avait ces peintures. C'était un endroit qui me semblait venir d'une autre époque, ce qui n'était pas du tout en résonance avec le côté hippie, sympa. C'était pas du tout comme une maison des jeunes et de la culture, quoi. Il y avait un côté vieillot et alors après ils l'ont refait tout ça, mais pour moi le Bataclan c'était vraiment presque le Paris des années 30, 40, 50, quoi. Voilà. Qui continuait dans les années 70, 80. Oui, il y avait des survivances encore dans les années 70 de ça, oui. 80 encore. Même le Palace, au début c'était comme ça un vieux théâtre vers un peu désuet, enfin tout ça, ça allait bien avec cette ambiance de décadence, effectivement, oui. Comment vous avez réagi il y a une semaine quand vous avez appris ce drame? Écoutez, vous savez, je sais pas si je peux trouver les mots. Je peux vous dire que j'aurais pu y être. Mon fils, a deux amis d'amis qui ont été tués. Donc je pense que c'est des gens comme moi qui était visé. Je suis pas particulièrement jeune, mais voilà, j'ai concert de rock, enfin c'est voilà. Donc je pense que c'est impossible pour moi de vous dire tout ce que j'ai ressenti. Je peux vous dire que je suis... Est-ce qu'il y a des précédents? Est-ce qu'il y a déjà eu des attentats dans une salle de spectacle? Il y a eu des musiciens qui ont été abattus sur scène, c'est arrivé. Dans les années 2000, il y a un musicien de métal du groupe Pantera qui a été, c'était le groupe qu'il avait fait après, qui a été abattu par un fou. Mais vous savez, c'était des tueries qui étaient beaucoup plus qui sont plus proches de ce qu'on voit sur les campus américains. Vous savez, un dingue avec un flag. Mais moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, dans ce qu'on a vu la semaine dernière. Qui renvoie plutôt à la prise d'otage de l'opéra de Moscou. Là, oui, je sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais en 2001, ce qui m'a frappé, c'est que l'imaginaire des terroristes, c'est celui des films catastrophes. Hein, les effondrements de tours, etc. Et là, ce qui m'a frappé, c'est que ça m'a fait penser aux jeux vidéo. Vous savez, le type qui sort d'une voiture, qui tue tout le monde. Et je pense que ces gamins, ils sont allés dans des endroits qu'ils avaient fréquentés, c'est-à-dire les terrasses, des Oberkampf, etc. Lisez-moi, c'est sûrement une salle qu'ils avaient fréquentée. Et le Bataclan, pardon. Ce truc de sortir d'une voiture et de prendre un fusil mitrailleur et de tirer sur tout ce qui passe, je pense à ce jeu Grand Theft Auto. Il y a un côté effrayant, c'est-à-dire qu'on est entre en effet la secte d'assassins et la réalisation effrayante de ce qu'on voit à partir de jeux vidéo, quoi. Ouais. Il y a une semaine exactement, donc, c'était le groupe Eagle of Death Metal qui était programmé au Bataclan, vous le connaissez? Mais très bien, j'avais une émission à France Musique où je l'avais programmé plusieurs fois des chansons à eux. C'est un groupe qui, contrairement à ce que son nom semble indiquer, n'a rien à voir avec le death metal, qui est cette musique extrêmement morbide avec des thèmes de sataniques et des voix agonisantes ou hurlantes. En fait, c'est une blague qui est née du fait que Jesse Hughes, qui est une espèce de motard tatoué, qui est le chanteur du groupe, faisait écouter à son ami Josh Homme, qui avait créé le groupe Queens of Stone Age, il avait fait écouter un groupe obscur polonais, et lui, Josh Homme avait répondu, mais ton truc c'est vraiment les Eagles du death metal, et cette formule les a tellement fait rire qu'ils ont gardé ce nom pour leur groupe. Mais c'est un groupe qui était extrêmement joyeux, extrêmement drôle, brillant. Enfin moi j'avais, en fait c'est incroyable, parce que je savais pas qui jouait, mais honnêtement si je l'avais appris la veille, je me dis, ah bah tiens, demain soir je vais y aller, parce que j'avais vraiment envie de les voir. C'est un des meilleurs. Il y avait un côté rock'n'roll extrêmement virulent, percutant, joyeux, drôle. Enfin, c'est vraiment ce que le rock'n'roll peut présenter de plus brillant aujourd'hui. Enfin, c'est... Il n'y a pas de mots. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Merci, une fois de plus, Mishka Assayas. Merci. Je rappelle que on a maintenant le plaisir de pouvoir vous suivre à la radio. Vous avez une nouvelle émission sur France Inter. Oui, c'est tous les dimanches à 16h. Ça s'appelle Very Good Trip. Voilà. Et voilà, c'était pas toujours facile de souhaiter un bon voyage aux auditeurs, mais enfin, on va essayer de par la suite de le faire. Merci en tout cas d'être passé ce matin. Vous pouvez réécouter toute cette semaine d'Un autre jour est possible en hommage au Bataclan avec des extraits des meilleurs concerts, des meilleurs aussi souvenirs de nos invités ce matin, Mishka Assayas et Hélène Azéra, en passant par franceculture.fr. Les podcasts et l'écoute en ligne sont à votre disposition.